Me voyez-vous ? Je suis là, partout autour de vous. Dans le bleu de la Méditerranée, dans les paysages spectaculaires des fjords et dans la magie des Caraïbes. Je suis prête à vous être révélée pendant votre croisière MSC. Alors embarquez pour découvrir des lieux merveilleux à partir de 599 € par personne. MSC Croisière, révélez la beauté du monde. Conditions en agence de voyage ou sur msccroisière.fr. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Du paysage à l'humain, pratiquer l'archéologie tropicale en Afrique, la forêt vierge. Voilà une expression qui a connu un grand succès, qu'elle soit tropicale, équatoriale, la forêt vierge, avec tout ce qu'elle porte de mystère et de sauvagerie. Mais d'ailleurs, vierge de quoi ? D'humain ? D'histoire ? Évidemment, non. Le concept de forêt vierge est une construction de l'esprit qui efface les populations qui y vivent, qui en vivent, qui la façonnent, qui sont fascinées en retour par cette forêt profonde. Mais s'il est une profondeur qu'il faut explorer, c'est celle de l'histoire de ces espaces forestiers, car le regard porté sur la forêt tropicale a changé, tout comme le regard porté sur l'Afrique. L'Afrique équatoriale française n'est pas un ensemble simple. Ah, la forêt africaine est pour moi un grand trou noir silencieux. Parmi les animaux, on cite la licorne. Il subsiste même dans la forêt quelques groupes d'une race primitive, les négris ou pygmées, qui vivent nus, grimpant aux arbres pour cueillir les fruits. Très craintifs, ils s'éparpillent à la vue d'un Européen comme une volée d'oiseaux. Geoffroy de Saulieu, bonjour. Xavier Mauduit, bonjour. Vous êtes archéologue. Alors attention, parce que archéologue avec un qualificatif tropicaliste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il y a des méthodes spécifiques à cette région de la planète, qui a des biais de conservation et des contraintes de terrain qui sont très particulières. Directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, pour vous, est-ce que cette forêt tropicale ou équatoriale est un grand trou noir silencieux comme on l'a entendu dans l'archive ? Ah là là, non, bien sûr que non, c'est plutôt... C'est plutôt un paysage verdoyant, très lumineux, qui fourmille de vie et également d'une vie sociale intense qui est très ancienne et très intéressante. Oui, vous avez tout de suite mis en place les données du problème. Il est difficile de faire de l'archéologie au sens où les conditions ne sont pas réunies pour préserver les éléments qui permettent de comprendre l'évolution, le passé. Pour le dire autrement, les choses disparaissent rapidement dans ces milieux-là, équatoriaux et tropicaux. Exactement. Et du coup, pour écrire cette histoire, soit il faut avoir beaucoup d'imagination, soit il faut faire beaucoup d'interdisciplinarité. Et en fait, en réalité, il faut un peu des deux. Et c'est une histoire qui s'écrit à plusieurs mains, avec différentes spécialités, différentes personnalités. Et c'est ça qui en fait une recherche vraiment, je dirais, passionnante, un peu magnétique. Ah oui, magnétique, à ce point-là. Ah oui, alors il faut écouter la forêt, la nuit, avec son identité sonore. Il faut voir ces rivières qui coulent et sur lesquelles on peut naviguer en pirogue. C'est quelque chose de très particulier. C'est-à-dire que l'archéologie que vous pratiquez, ce n'est pas celle que l'on connaît avec l'idée d'une fouille, donc une zone délimitée où on se met à enlever la terre tout doucement par strates afin de détecter ici, oh tiens, formidable, une pierre taillée, ici un tesson de poterie. C'est pas du tout comme ça que vous procédez. Alors si. Alors on doit s'adapter à toutes sortes de situations. On a une archéologie programmée, classique, rigoureuse. Et puis, on a des périodes où il faut prospecter. Donc, il faut aller à la rencontre des gens, il faut discuter, il faut comprendre le paysage après l'avoir observé. Cette phase un peu préliminaire est probablement beaucoup plus importante que sous nos latitudes tempérées. Oui, ça demande énormément de balades, je le dis de manière très simple, mais c'est connaître le paysage, sentir les choses, ce qui nécessite une grande expérience et peut-être aussi des échanges avec les gens qui connaissent particulièrement bien la forêt, ceux qui y habitent. Exactement. Et d'ailleurs, c'est la spécialité de mon institut de recherche, hein, l'IRD, qui fait de la recherche en partenariat. On n'est pas payé pour faire de la recherche de pointe dans des pays tropicaux, sous-développés, etc. Non, on est là pour travailler avec les chercheurs locaux, construire des programmes de recherche, mener des projets ensemble et produire des résultats scientifiques ensemble que l'on co-signe. Donc c'est vraiment une interaction, c'est comme comme jouer un morceau de musique à plusieurs, vous voyez, chacun son instrument et participe à au résultat final. Et ce résultat final est formidable. Enfin, faut le dire et le redire, l'idée de forêt vierge que j'évoquais en début d'émission est quelque chose qui est à bannir, si ce n'est comme objet historique à étudier. La forêt telle que vous la voyez, Geoffroy de Saulieu, est très différente. Et bien justement, allons-y en forêt. Ah, la forêt africaine est pour moi un grand trou noir avec quelques verticales claires devant. Grand trou noir, silencieux. Et si l'on pénètre un peu dans la forêt, on y rencontre un sol élastique et qui donne une mauvaise impression. Et une lumière glauque baigne tout l'ensemble. Et ça donne, je crois, une impression de malaise qui est presque toujours ressentie par ceux qui voyagent en grande forêt. Nous étions en 1956. Le peintre Gustave Hervigo, oui, peintre qui raconte ses souvenirs de voyage en Afrique centrale. Il a fait énormément de croquis à ce moment-là. On est en 1956, je vous disais. Et donc, il donne son impression. Il évoque le malaise, Geoffroy de Saulieu. Ce malaise, il est là, il est présent. Il y a quelque chose d'oppressant dans cette forêt. Merci d'en parler, Xavier, parce que de malaise, moi, je n'en ressens pas. Nous sommes vraiment des animaux tropicaux. Nous avons toute notre histoire, je dirais, familiale de toute notre espèce s'est passée dans les régions intertropicales. Et je pense que ce malaise dont il parle est en fait un malaise culturel. Ce monsieur a probablement grandi en Normandie ou en Berry, je ne sais pas. Non, la forêt est un mode de vie, il faut l'apprendre, il faut faire confiance aux gens qui l'habitent. Et cette manière de l'habiter est une vraie civilisation, c'est une construction qui a plusieurs milliers d'années. Et honnêtement, si on suit les manières de vivre locales, tout se passe très bien. Pas de grosses bêtes, pas de vilaines bêtes, il faut faire attention avec les moustiques, mais là aussi, c'est une discipline. Ben oui, voilà, c'est ça, il faut faire attention. La moustiquaire, il y a quelques produits aussi. Voilà. Hein, et puis, de toute façon, si on va dans ces zones tropicales ou équatoriales, on sait bien qu'ils sont là avec nous. Donc, autant vivre avec, Geoffroy de Saulieu, cette forêt. Vous nous dites qu'elle est habitée depuis longtemps. J'ai presque envie de dire depuis toujours. C'est très, très difficile à trouver des traces. Alors, partons sur quelque chose de simple à saisir, c'est-à-dire la matérialité de l'objet laissé par les humains du passé, des choses fabriquées et le plus loin possible. Est-ce qu'on trouve des endroits où, comme ici, il y a des pierres taillées, ou est-ce que ces pierres qui ont sans doute été taillées se sont déplacées, sont disparues, sont difficiles à identifier? Alors, comme vous le disiez, il y a des pierres taillées. Il y a toujours eu des hommes, puisqu'on est dans le berceau de l'humanité qu'est l'Afrique. Et aussi loin qu'on puisse chercher, je pense qu'on trouvera des vestiges. À l'heure actuelle, les vestiges les plus anciens en Afrique centrale sont à peu près datés de 600 à 1 million d'années. Notre problème est en fait un problème de méthodologie de datation. Il y a probablement d'autres sites plus anciens. Mais il faut savoir aussi une chose, on parlait tout à l'heure des biais de conservation. La mise en place de ces sites très anciens et leur conservation sur le temps long est très délicate. Et il est très rare de trouver des sites très anciens en position stratigraphique primaire, c'est-à-dire tels que les hommes préhistoriques l'ont laissé. Alors quand ça arrive, on essaye d'en tirer parti. Évidemment, ça n'arrive pas très souvent. Et quand c'est le cas, on peut mettre en place des méthodologies qui sont encore des méthodologies de pointe, comme les datations cosmogéniques, qui sont fondées sur les rayonnements cosmiques pour pouvoir dater. On peut utiliser également l'OSL, qui est une méthode qui se fonde sur les radiations solaires et qui laisse des indications dans les pierres taillées qui ont été enfouies. On se trouve dans quelle zone pour ces espaces que vous évoquez à l'instant, ces sites parmi les plus anciens que l'on peut étudier, que l'on connaît? Parce qu'il y en a plein d'autres qu'on ne connaît pas encore. Alors, par exemple, le site dont je vous parlais, daté entre 600 000 et 1 million d'années, qui a été découvert, étudié par mon collègue Richard Oslisli, se trouve au Gabon, dans le centre du Gabon, dans un paysage de forêt et de savane disposé en mosaïque. Ce sont des paysages très beaux qui ont probablement beaucoup évolué. Et à l'occasion, par exemple, de la construction d'une route qui crée un talus, on peut avoir accès au sous-sol, par exemple. L'archéologie préventive, en fait. Alors, c'est un peu ça. Voilà. Non, mais c'est l'archéologie d'opportunité au moment où il y a la construction d'une route ou d'un bâtiment. Oui, exactement, oui. Évidemment, là, par exemple, il y a deux semaines, j'étais au Cameroun. On a découvert un site du Paléolithique inférieur avec mes collègues camerounais. Le site est à 3 mètres de profondeur. On ne l'aurait jamais trouvé en temps normal, dans une prospection normale. On l'a trouvé parce qu'il était au fond d'une carrière de sable. Justement, les travaux, l'archéologie préventive, alors ça détruit évidemment, mais ça permet aussi d'avoir accès à des choses qu'on ne verrait pas autrement. Et ça demande énormément de pédagogie. Vos collègues, c'est l'université de Yaoundé, j'imagine. Absolument. L'université de Yaoundé est là, présente. Il y a toutes ces collaborations, mais ça veut dire aussi que pour l'ensemble des populations, il faut diffuser ces savoirs et que la vigilance soit partout pour signaler éventuellement que quelque chose là est un peu particulier, ça mériterait une étude. Alors absolument. Il y a un gros travail encore à faire avec la société civile en Afrique centrale qui est encore peu sensibilisé aux questions de patrimoine et d'archéologie. Et dans le cadre, par exemple, de nos programmes d'archéologie préventive, on a des volets, très souvent, de vulgarisation avec les communautés locales. Alors, on va dans les lycées, et quand on voit les élèves écarquiller les yeux, c'est assez magique. En fait, ils n'ont jamais entendu parler de tout ça, alors que, parfois, ils peuvent avoir ou connaître une généalogie, leur propre généalogie, sur 15 générations, ce qui est énorme. Et pourtant, ils ne font pas le lien avec des vestiges qu'on peut trouver dans le sol. Oui, parce que ça, c'est cet héritage également qu'on a pu apporter, c'est de nier le passé au sens où l'étude qui se porte aujourd'hui sur cette Afrique tropicale ou équatoriale est quelque chose qui suit ce qui s'est passé également, mais cette fois-ci de l'autre côté de l'océan, en Amérique, en Amazonie, où, Geoffroy de Saulieu, vous avez pu travailler. On va dire que dans la chronologie de la recherche, ça a commencé du côté de l'Amazonie et aujourd'hui, ça arrive en Afrique. Exactement. Et j'ai eu la chance de vivre un changement de paradigme quand j'ai habité en Amérique du Sud et travaillé en Amazonie équatorienne. C'était vraiment dans les années 2000-2010, la fin de ce mouvement qui tordait le cou, pour ainsi dire, à ce mythe de la forêt vierge. Et j'ai pu vivre ça, le vivre aussi dans des fouilles archéologiques passionnantes. J'ai beaucoup appris là-bas. J'ai appris aussi une autre manière d'interroger le paysage, comme on le disait tout à l'heure. Et quand je suis arrivé à partir des années 2011 en Afrique centrale, je me suis rendu compte que ces démarches n'étaient pas du tout arrivées encore. Il reste énormément à faire. Surtout s'il y a des étudiants qui nous écoutent, qu'ils n'hésitent pas à aller en archéologie africaine. Voilà, l'archéologie africaine. Non, mais voilà, c'est un énorme sujet et on le sent bien parce que c'est aussi une réponse à cette idée que l'Afrique n'a pas d'histoire. Nous parlions de la forêt vierge. Nier l'existence de populations comme si il n'y avait rien. Et s'il y a des populations, elles demeurent sauvages. Et puis surtout, jouer sur l'avancée de la recherche. Et je pense notamment à ce lac qui a été étudié au Cameroun. Quel est ce lac? Le lac Barumbimbo, c'est ça? Exactement. Lac de cratère, ça veut dire quoi? C'est un lac très rond? Oui, c'est ça. En fait, c'est un lac qui est dans un ancien mare volcanique, donc un volcan où la nappe phréatique a atteint le magma et ça a explosé. Ça a laissé un énorme cratère qui est aujourd'hui un bassin versant dans lequel s'est logé un superbe lac. Et ce lac est un site paléo-environnemental majeur pour la région, puisque c'est là qu'on a la séquence sédimentaire et pollinique la plus ancienne de la région. Donc grâce à ce lac, on peut reconstituer l'environnement et une partie du climat en tout cas dans l'espace de ce bassin versant. Et là, on a un élément d'analyse qui est extrêmement simple quand il est exposé, et vous allez le faire, Geoffroy de Saulieu, parce qu'on regarde l'évolution des pollens. On se dit, tiens, sur cette période-là, c'était plutôt de la savane, tiens, sur cette période-là, c'était plutôt de la forêt. Et en fait, peut-être qu'un élément est à ajouter dans cette analyse, c'est l'humain. Parce que l'humain, on l'écarte toujours de ces études de pollinisation. On imagine que l'humain est là complètement périphérique. Non, l'humain peut avoir un effet ici dans ce que l'on peut trouver sur l'étude des pollens ou de l'absence de pollen. Exactement. En fait, ce lac est étudié depuis les années 80 et dans les années 90, un chercheur qui s'appelle Jean Mallet a pu publier une séquence pollinique sur 28 000 ans. Et grâce à ça, on a pu renouveler l'histoire de ce gros massif forestier qu'est l'Afrique centrale. On s'est rendu compte que cette forêt n'était pas du tout immobile, qu'elle avait eu des périodes d'expansion et de diminution. Et cette période, donc, on a eu une période mixte, je dirais, entre 28 000 et 10 000 avant notre ère, où on a eu un mélange de forêt et de savane. Et à partir de 10 000, on a apparemment la fin des glaciations, un réchauffement climatique global, avec une hausse des précipitations, et on a une hausse très importante de la forêt et une disparition des savanes dans le bassin versant. Sauf vers 2500 avant le présent, c'est-à-dire vers 500 avant notre ère, où on voit qu'il y a une nouvelle ouverture de la forêt. Cette ouverture, elle a été interprétée à l'époque comme un événement climatique catastrophique et brutal qui aurait ouvert la forêt. Et ça correspondait assez bien aux théories des linguistes qui voulaient reconstituer l'histoire des langues bantoues. On a ainsi pensé que un événement climatique très fort avait ouvert la forêt, un peu comme la mer Rouge devant les Hébreux, fuyant Pharaon, et que grâce à ça, les Bantous auraient pu rentrer en Afrique centrale et installer leur agriculture. Ce qui est très frappant, c'est qu'on aurait eu des données environnementales de ce type en France, on aurait tout de suite dit... on a affaire à un déboisement lié à l'activité des Gaulois. Pourquoi on n'a pas fait ce raisonnement en Afrique centrale ? C'est une des questions que je me pose. Ah oui, elle se pose et elle est vraiment pertinente parce que l'idée que les Bantous ont pu avoir une incidence sur les paysages, en tout cas en défrichant la forêt, c'est quelque chose qui n'était pas dans le schéma d'analyse, qui aujourd'hui est dans l'analyse avec Geoffroy de Saulieu, vous nous le dites bien, d'autres disciplines qui viennent ici enrichir la réflexion, parce qu'il y a l'étude des langues, il y a toute forme de disciplines qui peuvent se croiser pour faire cette écologie historique. C'est un mot qui est... complexe, c'est quoi exactement cette idée-là ? De quoi parle-t-on ici ? De l'écologie historique ? Alors, l'écologie historique, c'est un... Justement, on parlait de l'Amazonie, c'est une manière d'aborder l'histoire d'un paysage très différente. Au lieu de porter le curseur, par exemple, à une époque précise et de reconstituer le climat à cette époque précise, on part du présent et on se demande qu'est-ce que la diversité du présent nous apprend du passé. Et on essaye de remonter cette corde en partant de, par exemple, la biodiversité actuelle, est-elle juste le produit de l'évolution de la forêt ou est-elle en grande partie liée aux activités humaines ? Est-ce que la fertilité des sols est une fertilité complètement naturelle ou est-ce qu'elle est liée à des activités humaines ? Ainsi de suite. Alors, vous parliez d'interdisciplinarité. Ce qui est intéressant, c'est que dans les années 2014, Yannick Garcin a fait un nouveau carottage dans ce lac. Et il s'est rendu compte que il y avait effectivement une crise forestière, mais qu'il n'y avait pas de changement dans les précipitations. Et par conséquent, ce paysage qui est aujourd'hui un paysage de forêt très... très sombre, c'est ce qu'on appelle une forêt Saint-Pervirens. Les feuilles ne tombent pas à la saison sèche. est en fait le produit d'une longue histoire de communautés qui habitent dans ce bassin versant. Et on le voit très bien comment cette interaction s'est mise en place il y a à peu près 2500 ans. Il y a eu des effets cumulés sur le temps long pour le paysage actuel. C'est ça, c'est le temps long qui nous intéresse ici, puisqu'il est question d'archéologie dans cette zone tropicale. L'archéologie en zone tropicale, c'est possible. L'écologie historique, c'est possible. Et surtout, ça nous apprend une grande partie de l'histoire, ce qui nous intéresse dans le cours de l'histoire de l'Afrique, avec Geoffroy de Saulieu, une archive. Écoutez-la, elle est longue, hein, c'est une longue archive. Elle date de 1947, une causerie de Michel Devez, historien, homme politique, et qui s'intéressait à la France d'outre-mer, à l'Empire colonial, à l'Union française. Vous allez voir, c'est ce panorama, on va dire que vous allez nous en faire l'archéologie, vous allez la décrypter. Dans cette vaste région de l'AEF, les ressources humaines sont limitées. Des fûts gigantesques, de 50 à 60 mètres, arrête le soleil. Des lianes enserrent les arbres et les relient. Le sous-bois est quasi impénétrable par endroits. La forêt compte plus de 3000 essences diverses. Les pachydermes, les cynocéphales, les perroquets seraient les principaux animaux de cette forêt si l'on ne comptait des myriades d'insectes. L'air est chargé d'humidité, étouffant, malsain. Dans les clairières rares et pauvres, le seul engrais est la cendre des arbres incendiés. Là, les tribus indigènes, peu nombreuses, cultivent le manioc, le maïs, cueillent les bananes. La sève du palmier à huile, une fois fermentée, leur donne un vin enivrant, le malafou. Un autre plaisir est de fumer le chanvre tropical, ou da. L'élevage indigène est très maigre. Il consiste en cochons noirs, en chèvres étiques, en poules, et même en chiens de boucherie, qui rappellent, paraît-il, la chair humaine, que certaines tribus n'ont jadis consommé qu'en cas de famine ou pour des besoins rituels. Telle était la vie précaire des races bantoues qui peuplent ces régions. Elles n'ont pas dépassé le stade de la tribu. Parmi eux, les gens de la côte, en contact depuis plusieurs siècles avec les Européens, ont quelquefois abandonné les coutumes ancestrales. Au contraire, les bantous de l'intérieur, Fang, Pawin, Bateke ou Baduma, sont restés beaucoup plus frustes. Ils subsistent même dans la forêt, quelques groupes d'une race primitive, les négris ou pygmées, qui vivent nus, grimpant aux arbres pour cueillir les fruits. Très craintifs, ils s'éparpillent à la vue d'un Européen comme une volée d'oiseaux. Alors, ces pygmées qui s'éparpillent à la vue d'Européens comme des volées d'oiseaux. Alors, bien sûr, ici, 1947, document historique, où il y a à la fois la description de la forêt, Geoffroy de Saulieu, cette description de la forêt, le côté dense est bien présent. Ça, c'est une chose qui est admise. Les animaux, par contre, il les évoque ici, hein, il évoque même l'élevage. Alors, il évoque les animaux, mais bizarrement, il n'évoque pas les rois de ces milieux, que sont les éléphants, par exemple, ou les buffles, qui sont nombreux, et qui ouvrent beaucoup la forêt, qui participent beaucoup à sa construction actuelle. Figurez-vous, Xavier, qu'une forêt avec des éléphants stocke beaucoup plus de carbone qu'une forêt dépourvue d'éléphants. Pourquoi ? Alors, parce que les éléphants débroussaillent et permettent à certains arbres de grossir beaucoup plus. Et ce sont les vieux arbres qui stockent le plus de carbone. Et alors, dans cette archive, on entend bien l'idée qu'il y a de l'agriculture dans cette forêt. Alors, on sent que c'est très limité. Est-ce que, Geoffroy de Saulieu, on peut dire que cette forêt tropicale est cultivée ? Alors, cette forêt tropicale est cultivée, et elle est cultivée depuis très longtemps. C'est étonnant de voir, d'écouter ce document qui projette un peu tous les fantasmes de l'Européen qui est face à un milieu qu'il ne comprend pas, et qu'il ne connaît pas apparemment, ou pas bien. Ce qui est certain, c'est que ces populations savent très bien cultiver dans ces forêts, mais c'est une agriculture qui est très différente de la nôtre. Elle utilise plusieurs complexes agricoles, c'est-à-dire plusieurs ensembles de plantes qui interagissent pour créer une diète quotidienne. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les agriculteurs dans ces forêts tropicales, exactement comme en Amazonie, dépendent essentiellement de la chasse et de la pêche pour les protéines. L'agriculture fournit essentiellement tout ce qui est amidon et lipides, éventuellement les sucres comme le miel, les choses comme ça. Ce qui est aussi intéressant dans ce document, c'est qu'il sous-entend que les populations sont très peu nombreuses, mais comme si c'était une caractéristique intrinsèque. En réalité, on s'est rendu compte avec nos collègues qu'il y a eu des pics de population. Il y a eu des périodes où cette forêt était pleine de populations, de sociétés qui vivaient en interaction, qui avaient tissé leur toile, qui probablement échangeaient des femmes et qui appartenaient à des horizons, des grands horizons culturels qui prouvent qu'ils étaient bien en lien sur de grandes distances. Avec ici la distinction qui est faite entre les Bantous et les Pygmées. Geoffroy de Saulieu, vous nous aviez dit que les Bantous arrivent avec une datation qui est toujours à affiner, mais on voit qu'on est quand on est quelques siècles avant notre ère pour l'arrivée des Bantous qui descendent de plus en plus vers le sud. Alors, en général, c'est débattu. On pense que les Bantous sont arrivés durant le premier millénaire avant notre ère, probablement entre 1000 et 500 avant Jésus-Christ. Ils rencontrent des populations sur place. On ne sait pas très bien qui étaient ces populations. C'est vraiment là, on est sur un front de recherche. Probablement, ces populations sont plus ou moins apparentées aux Pygmées actuels. Et on ne sait pas très bien ce qui s'est passé entre ces populations. On perd la trace des occupants antérieurs de la forêt quand les Bantous arrivent. Tout ce qu'on sait, grâce aux travaux des paléogénéticiens, c'est que les Bantous actuels et les Pygmées actuels commencent à avoir des liens matrimoniaux, c'est-à-dire que des femmes Pygmées épousent des hommes Bantous seulement vers 800 de notre ère, c'est-à-dire en gros à l'époque des Carolingiens. D'accord. Avec, ça veut dire, malgré tout, une séparation à nuancer entre les Pygmées et les Bantous. Il y a une interaction continue. Alors, il y a une interaction qui se met en place à cette époque, donc qui se traduit par des échanges matrimoniaux, et puis par des relations sociales fondées sur des échanges à la fois de matières premières et de travail. Les Pygmées ont besoin des outils en fer et des armes en fer qu'ils obtiennent auprès des Bantous. Et en échange, les Bantous utilisent les Pygmées pour les aider dans leurs plantations, pour chasser, par exemple pour les chasses aux éléphants. Ils utilisent également les Pygmées pour leur fournir des produits de la forêt, de la viande de brousse. Et en fait, on a vraiment l'impression qu'on a affaire à ce qu'on appelle en anthropologie une spécialisation ethnique du travail. Si bien qu'on peut se demander si les ancêtres des Pygmées actuels n'avaient pas, avant l'arrivée des Bantous, un mode de vie extrêmement différent. D'accord. Avec l'arrivée des Bantous, les Pygmées auraient modifié leur mode de vie. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que la relation avec la forêt demeure. Peut-être qu'elle évolue, bien sûr, mais vous nous dites ici, par exemple, et moi je suis attentif, comme vous parlez d'archéologie, je me dis, voilà, du métal. Est-ce qu'on en retrouve du métal dans ces zones tropicales? Toujours cette question de conservation. On en trouve partout. Parmi les plus gros gisements de fer sont en Afrique centrale à l'heure actuelle. Il y a des montagnes qui sont au sud du Cameroun ou à l'est du Gabon qui sont des montagnes de minerais de fer extrêmement riches. Et depuis 2500 ans, les Bantous savent extraire le métal de ce minerai. Et alors les objets construits à partir de ce métal, est-ce qu'on en retrouve? Est-ce qu'on a des sites où ici on peut facilement trouver? Parce que c'est vrai que la question de l'archéologie tropicale pose toujours celle de la conservation. Et dans une zone désertique, on sait bien que ça va se conserver du moment que c'est un peu à l'abri du vent. Là c'est différent parce que l'humidité va tout attaquer. Exactement, c'est un gros problème. Heureusement, les Bantous ont eu la bonne idée de faire des poubelles creusées dans le sol, qu'on appelle des fosses. Et dans ces fosses, ils envoyaient ce qu'ils balayaient quotidiennement, et notamment ce qu'on appelle les vidanges de foyer, avec du charbon et des cendres. Et l'accumulation de ces sédiments inverse le pH et permet à des objets qui ne se conserveraient pas autrement de se conserver dans les poubelles. Alors on voit les objets en fer apparaître timidement dès le 8e siècle avant Jésus-Christ et se développer vraiment à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ. Apparemment, ça a été assez progressif. Probablement au tout début, cette technologie était encore rare et chère, et elle s'est, je dirais, répandue. Elle a été de plus en plus maîtrisée dans le premier millénaire avant notre ère. La question du métal, c'est fait. Autre question pour les archéologues, les sépultures. Mais alors là, document sensationnel. Qu'en est-il dans ces zones équatoriales ou tropicales, les ossements, ça se conserve? Eh ben non, voilà. Mmh. Là, et le problème, c'est qu'on n'enterre pas les gens dans les poubelles. Donc, on a très peu de sépultures. On a parfois des empreintes de sépultures. Par exemple, on a découvert près de Yaoundé un fagot de pointe de lance qui était magnifique et qui clairement était un dépôt d'une tombe. Mais il n'y avait absolument plus aucune trace des os. C'est le problème. Alors, il y a de rares exceptions. Il y a eu des fouilles, par exemple, en Guinée équatoriale, ou des trouvailles comme la grotte d'Irungu, découverte par Richard Oslisli au Gabon, qui est une grotte où on a jeté une quarantaine de corps avec leurs ornements en fer et en cuivre. Probablement un rituel funéraire très particulier, qui est une exception, c'est vraiment le seul exemple qu'on ait dans cette région. Et du coup, c'est difficile d'imaginer à quoi pouvaient ressembler ces tombes, ces pratiques funéraires. Si l'on s'en tient aux données ethnographiques, il y avait très probablement des morts d'accompagnement, on tuait probablement des esclaves, puisque l'esclavage était très répandu. Probablement, dans certains textes qui datent de juste avant la colonisation, on sait que dans certains cas, on enterrait les chefs avec leurs femmes, ou certaines de leurs favorites, et ainsi de suite. Le métal, les sépultures, et puis après, il y a tout ce qui concerne la végétation, parce qu'avec les techniques actuelles, vous avez évoqué les études des pollens, ça c'est formidable, mais tout... Les végétaux ne laissent pas de traces. Moi, je pense notamment à ce qui peut être beaucoup consommé dans cette partie du monde, tout ce qui est tubercule. Ça laisse des traces, on arrive à identifier, de dire, tiens, ici, il y avait une grande consommation d'igname ou d'autres choses. Ah, ça, c'est une belle question. Merci, Xavier. Jusqu'à très récemment, il était quasiment impossible de savoir quels étaient les tubercules que mangeaient ces populations d'agriculteurs tropicaux, parce que les ignames, comme les maniocs, laissent très peu de pollen et très peu de phytolithes. Les phytolithes, c'est des petits cailloux de silice qui sont dans les feuilles et dans les tiges. Et comme il y en a très peu, c'est très difficile à trouver. On a donc cherché d'autres manières de découvrir, d'avoir des informations sur ces diètes préhistoriques. Et on a fait beaucoup de progrès ces dernières années sur tout ce qui est micro-restes et sur les restes géochimiques. Et on a trouvé notamment des grains d'amidon, d'igname, conservés dans les tessons de poterie. De même, alors les analyses sont en cours, mais je suis presque sûr qu'on trouvera de l'huile de palme quand on fera des analyses géochimiques. Voilà, c'est ça, faut toujours pousser la recherche. Geoffroy de Saulieu avec vous aujourd'hui. Nous nous sentons tous... archéologue tropicaliste avec l'idée du manioc qui nous conduit à manger du foufou, c'est toujours un plaisir. Et dès lors, ce serait une faute de ne pas l'écouter aujourd'hui, de savourer la rumba congolaise. masoyo na lingaka ye mingi ye bapekisi ngai na bala ye balobi na ngai na boya ye eloko nalinga na bolingo ya motema nakoka ndenge nini koboya ye ngai kobi mobimba ezali na ye buluzu ebokomemisanga ya tina te madonga nalinga Masoyo na lulaka ya mingi ye Opesanga nzela na bala ye Ata moke bobe kisate Moko kikolo banyoso Bolingi nandimi pasi Pasi ya bolingo Nala paseleka Gaise na ye Ata bolo kinyoso nandimi Nasengi pala domingyo Bayo yo na linga kaya migi Aya Maboti baye baye ninga tina te Aya Nakasala nini soke nga yote he Loko na sangwe tangola Namboka mobimba ezali somni Soki le loto boyani Nako kikotika te Eloko na kufelaka Masi ya bolingo esala kangai Oyoke langa Bolingo Mado par les Bantous de la capitale, la rumba congolaise de la République du Congo dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui à la technique Marie-Claire Oumabadi. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans ces forêts tropicales pour y faire de l'archéologie. Diantre que ce n'est pas simple, mais que c'est éclairant dans cette forêt dite sombre. Geoffroy de Saulieu, cette forêt, vous nous avez dit que oui, elle peut être cultivée. C'est-à-dire que la répartition des différents arbres, de ce que l'on peut trouver, c'est peut-être le résultat de ce qu'ont fait les humains par les siècles passés, c'est-à-dire l'idée de se déplacer et ici de laisser pousser un arbre et peut-être même d'en planter un ailleurs. Exactement. Et ces phénomènes d'ailleurs ne touchent pas seulement les arbres mais aussi les plantes de sous-bois. On s'est rendu compte que même des chasseurs-cueilleurs ont un impact sur leur environnement. Il y a des ethnologues qui ont étudié et suivi des familles pygmées, donc ces chasseurs-cueilleurs qui vivent en symbiose avec les Bantous en Afrique centrale depuis des siècles. Et quand les mamans pygmées ramènent les ignames sauvages qu'elles ont cueillis en forêt et qu'elles les épluchent derrière leur maison, elle laisse les épluchures sur le sol. Et ces épluchures vont bouturer. Et quand on reviendra 10 ans après, on aura une ancienne clairière avec parfois plusieurs centaines d'ignames comestibles qui auront repoussé naturellement en sous-bois. Les agriculteurs également, comme ils pratiquent beaucoup ce qu'on appelle... l'abatis brûlis, donc on choisit une portion de forêt que l'on coupe, que l'on sèche et que l'on brûle pour la cultiver. Bien, ces agriculteurs, en général, épargnent les arbres fruitiers. Et ces pratiques, cumulées pendant des siècles, fait qu'on a une surreprésentation des arbres fruitiers dans la forêt. Il y a une accumulation des arbres fruitiers dans la forêt, qui a des rétroactions favorables sur les populations de gibier dont se nourrissent justement ces agriculteurs qui ont très peu d'élevage. Vous voyez qu'on a affaire à une sorte de, non pas de cercle vicieux, mais de cercle vertueux, qui est mis en place grâce à des pratiques qui ont été très bien pensées. Ces populations, qu'elles soient de chasseurs-cueilleurs ou d'agriculteurs, savent très bien quelles sont les conséquences de leur pratique. Ils connaissent très bien leur milieu et ça n'est pas du tout le fruit du hasard. Voilà. Y a une connaissance, une accumulation des savoirs qui s'est accumulée et qui a abouti à cette maîtrise du milieu. Partons sur la route de Yaoundé. Il y a des petits coins, de temps en temps on est étonné de tomber sur des petits coins que les forestiers vous assurent être des coins préservés de forêts primaires ou ayant gardé certains caractères. Et alors, ça a été habité, cette forêt, elle l'est encore, elle l'est peu. Mais vous connaissez le système d'agriculture nomade qui consiste à débrousser et à se déplacer une fois que le terrain est épuisé. Et dans ces régions de véritable climat équatorial, la forêt tout de même se reconstitue. Et je vous en citais une preuve que ça a été cultivé, c'est qu'un peu partout, tout autour de cette route de Douala Yaoundé que nous explorons, il y a d'anciennes plantations de palmiers à huile et des palmiers à huile qui ont essaimé à travers la forêt. Ils sont devenus sauvages alors. Ils sont devenus sauvages. Mais est-ce qu'ils sont encore exploités? Pour ne pas vous tromper, j'aime mieux vous dire qu'ils sont surtout exploités à fournir du vin de palme par les bassas de l'endroit qui abattent l'arbre et qui, coupant le bourgeon terminal, installent là-dessus une calebasse qu'on renouvelle tous les jours et pendant quelque temps, ça vous fournit un aliment intoxicant. Donc pour nous résumer, en ce qui concerne la forêt proprement dite, c'est plutôt de la forêt secondaire. C'est surtout de la forêt secondaire. Il y a tout de même de très beaux coins, de belles forêts. Il y a de la forêt cathédrale. Et de très beaux arbres. Et de très beaux arbres. Mais on n'y circule pas facilement justement pour cette raison-là. Pierre Ichac, c'est le grand reportage, c'est l'exploration, c'est l'ethnologie aussi. Nous étions en 1949 avec ici une analyse intéressante de ce qu'il propose. Hein. C'est l'idée que oui, cette forêt a peut-être été primaire, vierge, il y a toujours ces mots qui reviennent, mais que malgré tout, elle a pu être occupée par le passé et que si ces arbres sont là, à cet endroit-là, c'est peut-être parce que des humains l'ont voulu. Comment on fait? Comment on identifie ça? On fait une cartographie de la forêt? Absolument. Il y a des collègues, notamment à l'IRD, qui travaillent sur les structures forestières et qui ont remarqué qu'il y a des grandes portions de forêt qui ont des associations très particulières. Alors, il y a effectivement des forêts secondaires qui parfois sont redevenues très anciennes, qui sont arrivés à maturité, c'est-à-dire que les arbres sont énormes, alors que l'on voit que ce sont des d'anciennes reprises forestières après des défriches. On a également des portions de forêt où on a ces fameuses futaies cathédrales monodominantes, notamment avec un arbre qu'on appelle le gilbertiodendron, qui a longtemps été perçu comme le reliquat d'anciennes forêts primaires dans ces régions. Mais j'en parle souvent avec mes collègues, et quand on étudie les sols et qu'on ne se contente plus simplement des associations végétales, on se rend compte qu'il y a même des charbons dans les sous-sols de ces fameuses forêts primaires, ou en tout cas supposées comme telles. Donc, plus on cherche et plus on croise les disciplines, plus on se rend compte qu'il y a des traces de l'homme partout. Oui, parce qu'il y a du charbon, ça veut dire qu'il y a eu agriculture sur brûlis. On a brûlé une partie de la forêt, c'est ça, pour enrichir le sol. On peut le dire autrement, le sol aussi est construit à certains endroits. Exactement. Il y a... alors, dans un des premiers documents sonores qu'on a entendu, qui parlait de l'agriculture... je crois que l'homme qui parlait suggérait que l'agriculture était assez faible, que les sols étaient pauvres, ce qui n'est pas complètement faux. Les sols naturels sont des sols rouges, qui sont pleins d'oxyde métallique, qui ont une très faible quantité de matière organique. La matière organique, c'est un peu le pétrole des plantes qui poussent, hein. C'est là qu'elles puisent une partie de leur carbone. Pour envoyer de l'énergie dans leurs branches. Et par conséquent, cultiver dans ces milieux est délicat. C'est pour ça que les agriculteurs ont tendance à faire de l'abatis brûlis, dont on parlait tout à l'heure également, qui consiste à couper une forêt, la laisser sécher, la brûler pour que les cendres agissent un peu comme de l'engrais. Mais en fait, déboiser une forêt, c'est beaucoup de travail. C'est absolument épuisant. C'est un travail terrible. D'autant plus que quand on fait de l'abatis brûlis, la parcelle ne sert que 3 ans. Après, le sol est complètement épuisé. Donc, les sociétés de l'Afrique centrale ancienne ont développé des méthodes alternatives qui ressemble un petit peu à celle qu'il y a eu en Amazonie, qui permettait d'intensifier l'agriculture sur des sols dont la fertilité était maintenue par d'autres méthodes. Alors, il y a différents types d'anthrosols ou de sols anthropogéniques, c'est-à-dire des sols dont la formation, la pédogenèse, a été fortement influencée par les activités humaines. Il y a par exemple des champs surélevés, qui sont des bourrelets de terre entrecoupés de fossés, et qui permettent à la fois de cultiver hors cru des cultigènes, mais également de concentrer la matière organique sur des monticules où vont pousser les plantes. Et puis, on a également des sols noirs. Alors, en Amazonie, on appelle ça des terra preta. C'est une expression portugaise qui veut dire terre noire, justement. Ce sont des sols qui ont été mélanisés par l'action humaine. Et pendant longtemps, on a cru que ces sols étaient naturels, hein, que c'était lié au dépôt d'alluvions de rivières. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, cette couleur noire était très souvent due à une concentration de charbon. Ce charbon, comme on le suggérait tout à l'heure, abaisse le pH et permet une vie microbienne très particulière, qui fonde une fertilité très exceptionnelle dans ces milieux. Et plus on cherche ces sols noirs, plus on les trouve. Voilà. Ouais. Il suffit de chercher. En fait, ici, on sent bien hein, que tout tient à l'indice et puis vraiment à l'avancée de la recherche, hein, au changement de regard avec une chronologie qui se met en place. Alors, on l'a évoqué, hein, l'arrivée des Bantous, peu à peu, comment la forêt peut se transformer selon les différents moments. On évoquait l'Amazonie. On peut le dire aussi, de nouvelles plantes qui arrivent. On a parlé du manioc. Le manioc vient d'Amérique. Et donc, là aussi, ça permet d'avoir la datation de la propagation. Propagation, c'est pas du tout le mot qui va, de la diffusion de ces différents végétaux. Oui, alors aujourd'hui, l'agriculture qui est menée en Afrique centrale est très différente de celle qui était menée il y a 1000 ou 2000 ans. Aujourd'hui, le manioc est à toutes les sauces, si je puis dire, en Afrique centrale. Et quand on parle avec les Africains, ils ont beaucoup de mal à admettre que le manioc n'est pas originaire d'Afrique. Et pourtant, si, c'est une plante qui vient d'Amérique du Sud, tout comme le maïs, l'arachide, c'est-à-dire la cacahuète. On a des manguiers partout, les manguiers viennent d'Asie. Et si bien qu'essayer d'imaginer à quoi pouvaient ressembler ces exploitations agricoles il y a 2500 ans, c'est quand même très difficile. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en parle maintenant, mais on sait que ces Bantous ont importé des plantes qui venaient du Sahel, des céréales, qui sont des plantes qui sont très difficiles à faire pousser en région intertropicale. Pourquoi ? Parce que ce sont des plantes qui ont besoin de périodes sèches, qui ont besoin de terres très fertiles, qui ont besoin de désherbage, d'être protégées contre les grands herbivores, notamment les éléphants. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils ont importé ces céréales en pleine forêt ? C'est une question encore ouverte. Mais il est possible que ça soit pour boire, pour faire de l'alcool. Pour faire de l'alcool ? Oui, la bière. De la bière, d'accord. Donc on avait déjà le vin de palme, oui. Maintenant on a de la bière. Alors le vin de palme, c'est délicieux, vraiment, je vous le conseille, Xavier Mauduit. On a du vin de raffia. C'est vraiment, c'est un peu la boisson de fête en Afrique centrale, mais c'est une boisson qui est difficile à avoir en grande quantité. Par conséquent, une des hypothèses que l'on a à l'heure actuelle pour comprendre l'importation de ces céréales à l'âge du fer ancien, c'est pour pouvoir produire beaucoup de boissons fermentées et pouvoir abreuver, je ne sais pas, peut-être tout le village ou organiser des fêtes cérémonielles. En tout cas, nourrir une vie sociale qui devait être très intense. Et on revient ici à toutes ces questions de société. On ne peut pas séparer cette réflexion sur le végétal, le paysage, sur la forêt et la société. C'est ce lien entre les disciplines. J'aimerais savoir, à votre point de vue, quelles sont les différences essentielles et les convergences essentielles qui existent entre le métier d'historien tel que vous le pratiquez et le métier d'ethnologue ? Eh bien, je crois qu'en principe, il n'y a aucune différence, c'est-à-dire que l'historien qui étudie Montaillou n'a pas un point de vue différent de tel ethnologue qui étudie un village bourguignon ou africain. Mais bien entendu, la grande différence, c'est que l'ethnologue est obligé d'aller sur le terrain, d'interviewer les gens, de passer quelques mois ou même plus parmi eux, d'essayer de les comprendre, tandis que moi, je me suis battu pendant quelques années avec un document latin, et le sale travail, vraiment sale travail, avait été fait par l'inquisiteur. Cela dit, je suis quand même allé sur le terrain avec un étudiant à moi, et j'ai vu comment vivait Montaillou maintenant. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de ressemblances et quelques différences. Quelle est la part d'imagination que nécessite le travail d'historien tel que vous le pratiquez ? Ben, il faut essayer, on a un document qui est riche mais qui ne dit pas tout, alors il faut essayer de bouger les trous. Et là, on fait appel à sa sensibilité, son cœur, son intelligence, son intuition. Alors on a tort, on a raison, ça je ne sais pas. Ça, c'est pas Emmanuel Leroy Ladurie, l'historien qui répondait à une question de Françoise Héritier, anthropologue, ethnologue. On était en 1975 au moment de la sortie de Montaillou, l'ouvrage d'Emmanuel Leroy Ladurie, avec cette part d'imagination évoquée, Geoffroy de Saulieu, pour être archéologue, mais dans ces zones intertropicales, faut-il un peu d'imagination, j'imagine, aussi? Oui, oui, il faut de l'imagination et il faut de l'ouverture. Et je pense que une des caractéristiques de l'archéologie tropicale, c'est qu'il faut être à la fois anthropologue, comme Françoise Héritier, il faut être à la fois historien, comme Leroy Ladurie, il faut être en même temps quelqu'un qui aime se rouler dans la boue et prendre voilà les pluies tropicales sur le nez. Il faut être capable de discuter avec les gens. C'est je pense que c'est un métier qui est très complet. C'est ça qui est sympa, en fait, dans ce métier. Vous voulez recruter, vous, et vous avez bien raison. On a mis les moustiques de côté, d'ailleurs, dans cette histoire-là. Sur les chasseurs-cueilleurs, sur les sédentaires. En fait, toute la réflexion ici est à remettre en place quand on étudie ces zones. C'est ça qui est vraiment passionnant. Nous sommes sur une histoire qui se construit au sens où il y a des sources, il y a des documents. Et à partir de l'archéologie, à partir de toutes ces autres disciplines, on arrive peu à peu à construire ce monde en comparant notamment avec ce qui se passe en Amazonie. Absolument. Mais pour alors la comparaison évidemment entre différentes aires culturelles n'a pas pour but de montrer que ils ont une origine commune ou que ça ressemble. Comme disait Alain Testard, il faut apprendre à penser aussi par contraste. Une comparaison peut être faite pour montrer que deux choses sont différentes et pourquoi elles sont différentes. Ce qui est très frappant en Afrique centrale, c'est l'impact de ces organisations sociales sur les modes de vie et donc sur les paysages. On a des vestiges archéologiques qui peuvent ressembler à ceux d'Amazonie, comme les terres preta, les terres noires, ou comme les champs surélevés, qu'on trouve de manière très similaire sur les deux continents. Mais les uns et les autres ne sont pas du tout le produit des mêmes fonctionnements sociaux. Et en Afrique centrale, ces fonctionnements sociaux sont basés sur un monde qui nous est particulièrement étranger et que l'on ne peut comprendre qu'en lisant les textes des premiers ethnologues qui ont pénétré cette région. C'est à la fois de l'histoire et de l'ethnographie, on pourrait dire de l'ethno-histoire. Je ne sais pas si vous voulez que j'aille un peu plus loin dans cette explication. Mais l'ethno-histoire, c'est ça, c'est cette idée qui nous tient. C'est-à-dire que l'histoire de l'Afrique existe, elle est là. Et comme maintenant l'ensemble de la démarche scientifique, elle se nourrit des autres disciplines. C'est comme ça qu'il faut le concevoir. Exactement. Et ça peut aller assez loin. On travaille avec des géochimistes, comme on le disait. On travaille avec des spécialistes des photographies, des spécialistes du LIDAR. C'est ce radar-là, voilà. Cette chose absolument admirable qui permet de lire à travers le sol. Exactement. Alors, pas à travers le sol. On peut reconstituer la surface du sol grâce à un laser qui a une précision de quelques centimètres. C'est cette précision-là aussi que l'on aime beaucoup. Geoffroy de Saulieu, bon bah ça y est, vous avez, je pense, envoyé le message et vous avez bien fait de le faire pour recruter des étudiants, des étudiantes, pour faire de l'archéologie dans ce monde intertropical. Merci vivement à vous de nous avoir présenté cette histoire africaine bien avant la colonisation, puisqu'il y a une longue histoire de l'Afrique. Merci vivement à vous. Merci Xavier. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Comment le peuple souverain a-t-il été inventé en 1789 ? Le mot « peuple » s'est imposé comme le mot-clé de la révolution de 1789. Mais une question fondamentale a surgi dès ce moment-là, qui est toujours au centre de notre vie politique. Comment peut-on représenter le peuple ? À la différence des Anglais ou des Américains, les Français se sont passionnés pour le problème de la représentation du peuple, car la Révolution a provoqué la destruction brutale des cadres politiques antérieurs. À partir du moment où le peuple a hérité du pouvoir souverain que détenait auparavant le roi, une question centrale s'est imposée dans le débat politique franco-français. Comment peut-on s'exprimer au nom d'un peuple auquel on commande en même temps qu'on lui doit son existence. À partir de 1789, les élites révolutionnaires ont tenté de répondre à cette question pour légitimer leur propre pouvoir en tant que porte-parole censé représenter le peuple français. Le 17 juin 1789, le coup de génie de l'abbé Sieyès, l'auteur de la fameuse brochure « Qu'est-ce que le tiers-état ?», fut de faire adopter par les élus du tiers une décision qui les transforma en représentants de l'Assemblée nationale. Sieyès enfonça le clou dans son discours du 7 septembre 1789 en affirmant que la nation, terme qui à l'époque était synonyme de peuple, que la nation ne pourrait désormais parler que par la voix de cette Assemblée. La définition du peuple comme entité au nom de laquelle on peut parler et agir a donc été inventé à ce moment-là par les représentants du tiers-État pour légitimer leurs fonctions. Cette stratégie a été confortée par un second coup de force quand l'Assemblée nationale a prétendu qu'elle avait le pouvoir de rédiger une constitution alors qu'elle n'avait nullement été convoquée dans ce but par Louis XVI. Les représentants du tiers-État se sont alors transformés en Assemblée constituante, agissant au nom du peuple souverain. Mais à partir de l'été 1789, cette définition de la représentation du peuple a été contestée par les éléments les plus radicaux du mouvement révolutionnaire. Deux interrogations ont alors surgi dans l'espace public. Premièrement, si le peuple est véritablement le souverain, pourquoi est-il gouverné ? Deuxièmement, si la loi est l'expression de la volonté générale, comment peut-on recueillir cette volonté ? Ces interrogations ont débouché sur une question encore plus vertigineuse. Quel est ce peuple dont il faut désormais se recommander pour exercer le pouvoir d'État ? Les affrontements sur ce sujet ont opposé ceux qui se référaient au peuple symbolique, comme instance représentée dans l'Assemblée selon la doctrine de Sieyès, et ceux qui parlaient au nom du peuple empirique, composé des citoyens qui se réunissaient dans les clubs ou dans les sections des sans-culottes et qui manifestaient dans la rue. Les journées révolutionnaires du 10 août 1792 ou celles qui se succédèrent du 31 mai au 2 juin 1793 portèrent au paroxysme cette contradiction. Elle opposa les députés modérés, qu'on appelait les Girondins, partisans de la démocratie représentative, aux Jacobins, qui prônaient la démocratie directe. Ainsi est né un clivage entre deux définitions du peuple qui n'a cessé de se reproduire jusqu'aujourd'hui. Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne Toscan-Viudès, Jeanne Delecroix, Jeanne Copet, Mathieu Copal et Maïwan Guizhou. Le cours de l'histoire écouté à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.